الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui on continue dans notre cours du livre التقليد وحكمه في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية, écrit par le Cheikh Wasi Allah Abbas حفظه الله تعالى. Et on est rendu au deuxième chapitre dans le livre الفصل الثاني. Et aujourd'hui, c'est le cours 3. Et la deuxième partie dans le livre, c'est Al-Fasl al-Thani. Et le titre de ce fasl, c'est Nahyul A'imma an taqlidihim. C'est-à-dire le fait que les imams et les grands ulama ont interdit aux gens de les suivre aveuglément. Ils ont interdit aux gens, à leurs élèves en premier, et yani, aux gens de les suivre sans preuve. Et c'est ça qu'il mentionne le cheikh ici. Il dit, Hafidhahullah, Inna a'immat al-islam hum a'rafu bidinillah wa atqa lillah wa atwa'u lillahi wa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qad qadu al-ummata في أزمانهم إلى الخير والصلاح وأفتوهم في نوازلهم بما علمهم الله من دينه نصوصا أو اجتهادا فلهم أجرهم عند الله على كل حال في اجتهاداتهم أصابوا أم أخطأوا فإن أصابوا فلهم أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. Donc on va traduire ça. Hein? Qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit les imams de l'islam, c'est eux les plus savants de la religion d'Allah. Et c'est eux les plus pieux et les plus obéissants à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont guidé la umma à leur époque vers le bien et vers tout ce qu'il y a de bon, et la réforme et le bien. Et ils leur ont donné des verdicts religieux dans les différentes situations qui se présentaient, selon ce que Allah leur a enseigné de la religion d'Allah, en se basant sur les textes du Coran et de la Sunna qui sont clairs et explicites, ou en se basant sur leur ijtihad, c'est-à-dire les efforts de déduction qu'ils ont faits en tirant les verdicts du Coran et de la Sunna. Et Allah leur donnera donc leur récompense dans tous les cas. En toute situation, il leur donnera leur récompense pour leur ijtihad, qu'ils aient eu raison ou qu'ils se soient trompés. Et s'ils ont eu raison dans leur ijtihad, alors ils auront deux récompenses, tandis que, yani, s'ils se sont trompés, ils n'auront qu'une seule récompense au lieu de deux. La récompense, les deux récompenses pour ceux qui ont eu la bonne réponse ou la bonne ijtihad, quand ils ont jugé, ils ont eu la vérité, ils auront deux récompenses, la récompense pour avoir fait l'effort et la récompense d'avoir obtenu ou atteint la vérité. Et tandis que ceux qui se sont trompés, eh bien, ils auront la récompense d'avoir fait l'effort. Et en plus, ils ne seront pas punis. Ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés pour leur erreur. Et la preuve de ça, c'est basé sur le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit, radiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, lorsque le juge fait un jugement, lorsqu'il juge et qu'il fait un ijtihad, et puis qu'il a la bonne réponse, ou il a une fatwa qui est correcte, alors il aura deux récompenses. Et s'il juge et qu'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, eh bien, il aura une seule récompense. Et ensuite, le cheikh, il dit, وَكَانُوا رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَخَافُونَ فِي اجْتِهَادَاتِهِمْ أَنَّهُ رُبَّمَا فاتهم النص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة ولذا نجد منهم تأكيدات شديدة على النهي عن تقليدهم وتقليد غيرهم. Il dit qu'ils avaient très peur, rahimahumullah, les imams de l'islam et de la sunna, ils avaient très peur dans leurs efforts, dans leurs jugements qu'ils faisaient lorsqu'ils se basaient sur leur analogie et sur leur propre effort de compréhension. Ils avaient très peur et même que, yani, parfois, c'est-à-dire, la raison pour laquelle ils avaient peur à ce point dans leurs ijtihads, c'était que ils avaient manqué ou qu'un texte du Coran et de la Sunna les avait échappé ou une narration des salafs. Donc ils disaient peut-être qu'il y a un texte qu'on a oublié, peut-être qu'il y a un texte qu'on n'a pas lu ou peut-être qu'il y a une preuve qu'on n'a pas entendue ou qu'on n'a pas connue. Donc ils avaient peur de faire une fatwa qui contredit le texte, qui contredit un verset dans le Coran qu'ils ont oublié ou auquel ils n'avaient pas pensé à ce moment, ou bien qui contredit un hadith dans la sunna qui est authentique, hein, qu'ils n'ont pas entendu ou qu'ils ne connaissent pas, hein, ou bien une parole des salafs qui les avaient précédés sur le même sujet. Et c'est pour ça qu'on trouve de leur part plein de confirmations sévères qui indiquent l'interdiction pour leurs élèves de les suivre aveuglément ou de suivre quiconque autre que eux. D'accord ? Et le cheikh, il dit « Asuqu fima ya'ti aqwaluhum bimaraji'iha allati dhakaraha al-Albani rahimahullah fi muqaddimati kitabihi sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Donc il dit « Je vais citer maintenant les paroles de ces imams avec leurs références telles que le cheikh al-Albani les a mentionnées dans l'introduction de son célèbre livre « Sifatu salati an-nabi » La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous retournez à ce livre-là, il a été traduit. La traduction des paroles des imams en question, elles ont été mentionnées. Et vous allez voir que ces imams-là, hein, malgré qu'ils ont vécu à des époques qui sont différentes, eh bien ils sont tous d'accord malgré tout, hein, sur ces principes-là. Certains d'entre eux se sont rencontrés, certains d'entre ces imams, parce qu'il y a les quatre grands imams des madhahib auxquels on attribue le madhahib Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Bon, ces quatre grands imams, Abu Hanifa et Malik, Shafi'i et Ahmad, ils ont tous établi ce principe-là. Shafi'i et Ahmad, ils étaient compagnons les uns des autres. Ils se sont connus l'un l'autre. Et ils sont en même temps le cheikh et l'élève l'un de l'autre. L'imam Malik, il a été le cheikh de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a étudié avec lui. Donc ils se sont rencontrés. Tandis que Abu Hanifa, hein, rahimahullah, il n'a pas rencontré les autres. Sauf que les élèves de Abu Hanifa ont rencontré Malik et ont rencontré d'autres également parmi des ulamas qui sont venus après. Donc, il y a un lien entre ces imams-là. Et même si on sait qu'ils étaient tous sur la aqida des salafs, la aqida salafiyya, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, il faut savoir que dans le fiqh, ils ont eu des divergences dans leurs ijtihad. Ils ont eu des divergences. Et ça, c'est normal, parce qu'il y a toujours eu des divergences. Même entre les sahaba, parfois, il y a eu des divergences dans le fiqh, hein, et dans les règles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sur les fondements et sur les principes de base de la religion, la croyance, la aqida et les fondements de l'islam, il n'y a aucune divergence entre eux. Ils sont toujours d'accord et ils sont tous sur les mêmes fondements, c'est-à-dire les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Contrairement à ceux qui, aujourd'hui, parmi les musulmans, prétendent être sur les madhahib de ces imams-là. Parce qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer des musulmans qui vont dire « Moi, je suis Hanafi. » Ou bien « Moi, je suis Maliki. » Ou bien « Moi, je suis Shafi'i. » Ou bien « Moi, je suis Hanbali. » Puis dans l'aqida, hein, il dit « Je suis Hanafi. » Puis dans l'aqida, il est Maturidi. Sur la secte des Maturidiyah. Hein, il fait le ta'wil des sifat. hein, et sur dans l'école des Diobandiya. Mutaassib jiddan. Hein, il suit aveuglément et avec fanatisme le madhhab al-Hanafi. Hein, et il déforme les attributs d'Allah et il fait le ta'wil des sifat comme les Asha'ira et les Maturidiya. Il est sur la aqida des Maturidiya dans la aqida. Il a beaucoup d'égarements dans cette secte-là. Il y a beaucoup d'égarements dans la aqida. Et il se prétend suivre Abu Hanifa. La même chose pour Malik, rahimahullah. L'imam Dar al-Hijra, on l'appelle. Imam ou Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de la Hijra. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa Hijra. C'est pour ça que lui, l'imam Malik, on l'appelle comme ça, parce que toute sa vie, il a vécu à Médine. Il n'a jamais voyagé, excepté pour faire le Hajj. Hein? Et il n'a pas eu besoin de voyager comme la grande majorité des grands ulama qui ont voyagé partout. Lui, l'imam Malik, il n'a pas eu besoin de voyager. Pourquoi? Parce qu'à Médine, il y avait un grand nombre de grands ulama. Donc, il a étudié avec eux. Et tous les ulama qui venaient étudier à Médine, ils rencontraient l'imam Malik. L'imam Malik les rencontrait. Donc, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Hein? Et l'imam Malik, aujourd'hui, hein, on sait que lui, il était sur la aqida salafia. C'est lui qui a dit la parole très célèbre. Al-istiwa ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-iman bihi wajib, wa-su'al anhu bid'a. C'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Ça, c'est yani ma'loum. Il a dit, ça veut dire, ça, on le connaît. Dans d'autres narrations, ils ont dit ghair ma'koul. Hein? Ou bien plutôt, al-istiwa ghair majhoul, wal-kayf ghair ma'koul. Et le comment n'est pas connu. Ou bien, yani, il n'est pas, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas le comprendre par notre raison. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبُ. Et c'est obligatoire d'y croire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ. Et de poser la question à propos du comment est une bid'a. Et cette parole-là, c'est la aqida des salafs. Et pourtant, aujourd'hui, tu vois que la plupart des malikiyas sont asha'ira dans la aqida. Hein? Tu vois, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Égypte, dans beaucoup d'autres pays où il y a des malikiyas. En Égypte, il y a beaucoup de chafiïs, mais en plupart des autres pays du Maghreb, c'est malikiyas. Même au Sénégal, c'est des malikiyas. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est des malikiyas. Et puis, la plupart d'entre eux, dans l'aqida, hein, si tu regardes les universités, ils enseignent l'aqida ash'ariya, et non pas l'aqida de l'imam Malik. Donc, ils disent on est maliki, mais ils enseignent l'aqida ash'ariya. Contradiction flagrante. Hein? Parce que l'imam Malik, il est mort bien avant la naissance de Abu Muhammad al-Ash'ari. Il est mort bien longtemps avant sa naissance. Hein? J'avais écrit un petit résumé à ce sujet-là. Je ne sais pas si je l'ai encore. D'après moi, je l'ai. Je vais juste regarder là. Si je peux le trouver rapidement, je vais vous le lire. C'est très intéressant. C'est un petit résumé que j'avais écrit pour expliquer justement à des gens comme ça qui se disaient maliki puis qui contredisent la aqida des imams. Le voilà, je l'ai trouvé. Donc, al-Ash'ariya, hein, il prétend suivre les quatre madhahib de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, le madhahib Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Et la vérité est que les Ash'ariya se cachent derrière le nom de ces quatre imams pour se donner une certaine crédibilité. Mais la vérité est que les quatre imams auxquels ces quatre madhahib sont attribués sont absolument innocents de la bid'a des Ash'ariya. Hein? Premièrement, celui à qui est attribuée la croyance des Asha'ira, Abul Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari al-Basri, il est né en l'an 260 et il est mort en l'an 324 après la Hijra. Et les quatre imams sont tous morts avant la naissance de Abul Hassan al-Ash'ari. Il est né en 260. L'imam Abu Hanifa, qui s'appelle Al-Nu'man ibn Thabit, il est né en l'an 80 de la Hijra. Et il est mort en l'an 150. Rahimahullah. Il est né en l'an 80, il est mort en l'an 150. Donc ça, c'est intéressant de l'écrire. Tandis que l'imam Malik ibn Anas, son nom c'est Malik ibn Anas, il est né en l'an 93 et il est mort en l'an 179 de la Hijra. D'accord? Rahimahullah. Tandis que l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i, il est né la même année de la mort de l'imam Abu Hanifa, l'an 150. Donc l'imam al-Shafi'i, il est né en l'an 150 de la Hijra et il est mort en 204. En l'an 204 de la Hijra. Rahimahullah. Et l'imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, hein, il est né en quelle année? 164. Il est né en l'an 164 de la Hijra et il est mort en 241. Rahimahullah. Donc, tous ces imams sont tous morts avant la naissance de Abul Hassan al-Ash'ari. Il n'est donc pas possible de prétendre que ces imams étaient Asha'ira dans la croyance. Comment ils auraient pu être Asha'ira dans la croyance alors qu'ils sont tous morts avant celui qui a créé cette bid'a et cette croyance-là? Et il n'est donc pas possible de prétendre que ces imams étaient Asha'ira dans la croyance. Et la vérité à ce sujet est plutôt qu'ils étaient salafis dans leur croyance. Sans parler des autres imams parmi les grands imams des salafs, l'imam al-Bukhari, hein, qui est né en 164 et qui est mort en 256, avant la naissance de al-Ash'ari. Et l'imam Muslim, qui est né en 204 et qui est mort en 261 de la Hijra. Donc une année après sa naissance. Hein, qui est mort une année après sa naissance. Et l'imam al-Zuhri qui est mort en 128. Et l'imam al-Awza'i qui est mort en 157. Et l'imam Ishaq ibn Rahouya qui est mort en 238. Et l'imam Abu Hatim al-Razi qui est mort en 277. Hein, et l'imam Abu Zur'a al-Razi qui est mort en 264. Et l'imam Ali ibn al-Madini qui est mort en 234, et ainsi de suite. Combien d'imams parmi les imams des salafs, hein, qui étaient tous morts avant la naissance de Abul Hassan al-Ash'ari? Et ça, c'est juste un point qu'on prend en considération. Parce qu'on pourrait aussi prendre en considération le fait que Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, il a vécu depuis sa naissance, il a été depuis sa naissance jusqu'à l'an 300 de la Hijra, il a été pendant 40 ans sur la Aqida des Mu'tazila. Il était Mu'tazili parce que son beau-père, le mari de sa mère, était une des têtes parmi les têtes des Mu'tazila à l'époque. Il a grandi chez lui puisque c'était le mari de sa mère. Donc il a étudié cette Aqida et il était parmi ceux qui la propageaient. Puis, arrivé à 40 ans, c'est comme s'il a réfléchi, il a étudié, il a fait des recherches, et il est monté sur le mimbar de la mosquée, hein, où il était imam à l'époque, où il donnait les discours, et il a dit, hein, aujourd'hui je renonce à la aqida des Mu'tazila. Hein, il a publiquement rejeté la voix des Mu'tazila. Et à partir de cette période-là, il est rentré dans une période, on dit que c'est sa période intermédiaire. C'est là qu'il a inventé sa propre aqida et son propre madhab, qu'on appelle aujourd'hui la aqida al-Ash'ariya, qui est en réalité al-Kullabiyya. Parce qu'il a pris ses idées, la plupart de ses idées, d'un homme qui s'appelait Ibn Kullab. C'est pour ça qu'on dit que c'est al-ash'ariya al-kullabiya. C'est ilm al-kalam, en réalité. Il essaie de mélanger la voix des salafs avec la voix des gens de kalam, des philosophes, et de mélanger les deux pour essayer de les faire rejoindre. La réalité, c'est qu'il, en agissant ainsi, il a corrompu la aqida salafia. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'on dit qu'à la fin de sa mort, il a écrit deux livres. Maqalat al-Islamiyin et al-Ibana, an usul al-Diyana, dans lesquels il a réfuté sa voix précédente, c'est-à-dire al-Kullabiyya, et dans laquelle il a affirmé être sur la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et qu'il reniait toute autre aqida précédente. Donc, ça veut dire que l'imam Abul-Hassan al-Ash'ari, il est mort sur la aqida des salafs. Il est mort sur la aqida salafiyya. Donc, il était lui-même un salafi. Hein? Inch'Allah. Et donc, on ne peut donc pas dire, hein, par conséquent, que la aqida qui existe actuellement et que les gens appellent Ash'ariya est la aqida d'Abul Hassan al-Ash'ari. Parce que Abul Hassan al-Ash'ari, il a renié cette aqida-là lui-même avant de mourir. Et il est revenu à la aqida des salafs. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre. Et la même chose aussi pour la plupart des Shafi'is, c'est la même chose. Si tu regardes des gens, ils se disent Shafi'i, pourtant ils sont Asha'ira. Hein? Si tu voyais par exemple Al-Azhar, les chiouchs qui enseignent la plupart là-bas, leur aqida, c'est Ash'ariya. Hein? Puis ils se disent Shafi'i. Hein? Et parmi les Hanabila, la plupart... Alhamdoulilah, sont sur la aqida des salafs. Les fuqaha, al-hanabila, ils n'ont pas été affectés par ilm al-kalam autant que les autres madahib. Hein? Autant que les autres madahib. Sauf qu'il y en a eu certains individus parmi eux qui ont été affectés par ilm al-kalam, mais c'est quelques-uns parmi eux. Sinon, alhamdoulilah, les grands parmi les ulama des hanabila sont tous sur la aqida salafia, comme Ibn Qudama, al-Maqdisi, et beaucoup d'autres également, Ibn Taymiyyah, hein, qui était un des ulama des Hanabila aussi, et beaucoup d'autres. Et le madhab en Arabie Saoudite, qui est un pays qui est basé sur l'aqida salafia, eh bien leur madhab dans le fiqh aujourd'hui, c'est le madhab al-Hanbali. Et leur aqida, c'est l'aqida salafia, l'aqida de l'imam Ahmad. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmad, il est connu comme étant imam ou ahl sunnah, l'imam des gens de la sunnah. Et parce qu'il a, à son époque, réfuté les mu'tazila, et il a tenu tête aux gens de bid'a, et il a affirmé la aqida des salafs. Alors, à cause de ça, le lien qui existe entre le fiqh des hanabila et la aqida est resté encore serré et fort. Ils n'ont pas été affectés par autant par les mutakallimines que les autres madahib, malheureusement. Donc ça, c'est un point important à comprendre aussi. Maintenant, le sheikh, il explique ensuite les paroles de ces imams-là. Donc on va les lire ensemble, inshallah. Il dit, Abu Hanifa, rahimahullah, fa'awwaluhum al-imam Abu Hanifa, al-Nu'man ibn Thabit, rahimahullah, وقد روى عن أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. Donc il dit, le premier d'entre ces quatre imams, c'est l'imam Abu Hanifa, qui s'appelle Al-Nu'man ibn Thabit. C'est ça son nom, Al-Nu'man ibn Thabit. Sa kunya, c'est Abu Hanifa. Et il est connu par ce nom-là. C'est par sa kunya qu'il est connu. Et il dit au sujet de cet imam-là que ses compagnons ont rapporté de lui beaucoup d'expressions et beaucoup de paroles dans lesquelles il explique qu'il est obligatoire de prendre le hadith et de délaisser le fait de suivre aveuglément les opinions des imams qui contredisent le hadith. D'accord? Et il explique ça, donc la première parole qui est mentionnée, et c'est une des paroles qui a été mentionnée par presque tous les imams des différents madhahib, « إذا صح الحديث فهو مذهبي ».« إذا صح الحديث فهو مذهبي ». Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes capable de comprendre cette parole? إذا صح الحديث فهو أنت تفهم أنت عربي oui c'est mon madhab c'est ça si le hadith il est sahih hein, il est authentique le hadith alors c'est ça mon madhab j'ai pas d'autre madhab que ça donc tu veux savoir le hadith de, tu veux savoir le madhab de Abu Hanifa hein? Eh bien c'est le hadith sahih quand il est sahih tu dois le prendre ça ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'imam Abu Hanifa, il a fait un ijtihad sur un sujet et qu'on trouve sur ce sujet sur lequel il a fait un ijtihad un hadith sahih, alors on laisse son ijtihad et on suit le hadith authentique. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il dit un autre exemple des citations de l'imam Abu Hanifa, « La yahillu li ahadin » أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il n'est pas permis à quiconque de prendre notre parole tant qu'il n'a pas su d'où nous l'avons pris nous-mêmes. Il n'est permis à quiconque de prendre notre parole sans qu'il ait su hein, d'où nous l'avons pris nous-mêmes. Hein? Donc, de prendre la parole en se basant sur sa preuve et de retourner à la preuve. Ensuite, il cite une autre riwaya de cette parole. Haramun ala man la ya'rif dalili an yafti bi kalami. Le cheikh, il explique dans cet exemple, dans cette narration, il dit que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit, c'est interdit à quelqu'un de prendre ma parole hein, s'il ne connaissait pas mon dalil. Hein. Celui qui ne connaît pas mon dalil, il n'a pas le droit de donner ma parole comme fatwa. C'est-à-dire que si tu veux donner la parole, la fatwa de l'imam Abu Hanifa, tu dois connaître son dalil, c'est-à-dire sa preuve. Si tu ne connais pas sa preuve, tu n'as pas le droit de donner sa parole comme fatwa. Donc ça, c'est fort, ça. Hein? Ça veut dire qu'il veut donner toujours la priorité et la précédence à la preuve, et non pas à sa parole à lui. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a précédence. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a précédence sur la sienne. Il dit, « Zada fi riwaya fa innana bashar, naqulu al-qawl al-yawm, wa narji'u anhu gadan. » Qu'est-ce qu'il a rajouté dans une autre narration? Il a dit, parce que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. On dit une parole aujourd'hui et on en revient demain. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit une parole parce qu'on considère que ça, c'est la vérité. Puis demain, il y a une autre chose qui nous est clarifiée et finalement, on change de position. Puis demain, on a une autre parole. On a une autre opinion. Hein? Donc ça, c'est la vérité. Parfois, tu lis dans certains madhahib, quand tu lis dans les livres de fiqh, par exemple, l'imam Ahmad, il a trois aqwal dans cette mas'ala. C'est-à-dire que l'imam Ahmad, dans le même sujet, il a eu trois opinions différentes. Hein? Ça veut dire qu'à un moment donné, il avait cette opinion. Puis, finalement, après, il a étudié la question plus, il a découvert d'autres détails, d'autres points qu'il n'a pas compris ou qu'il ne connaissait pas. Il a changé d'opinion encore une deuxième fois. Puis, ensuite, il a découvert d'autres éléments ou d'autres arguments de preuve. Il a changé d'opinion une troisième fois. C'est-à-dire qu'il a eu trois opinions sur le même sujet. L'imam Shafi'i, c'est connu, il a deux madhabs. C'est un des seuls imams qui a écrit lui-même son madhab. L'imam al-Shafi'i, c'est un des seuls imams qui a écrit lui-même son madhab. Il a al-Qadim ou al-Jadid. Il a al-Madhab al-Qadim, quand il était, je pense, en Irak. Puis al-Jadid, c'était quand il était en Égypte. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé en Égypte, il a appris des choses qu'il ne connaissait pas quand il était en Irak. Donc il a réécrit son madhab. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et l'imam Abu Hanifa, il a son livre Kitab al-Umm. C'est son livre. Dedans, il parle, il a écrit ses opinions. C'est peut-être le seul imam, c'est le seul imam qui a écrit son propre madhab lui-même. Sinon, les autres imams, ils ont écrit des livres de hadith. L'imam Malik, rahimallah, il a écrit une musnad, il a son muwatta, il a sa muwatta. C'est des hadiths et des paroles des tabi'in. Et il y a aussi l'imam Ahmad qui a eu la musnad, sa musnad de l'imam Ahmad, qui est un grand recueil de hadiths. Mais sinon, y a pas, ils n'ont pas écrit d'autres livres que ça, les imams. C'est-à-dire, ils n'ont pas écrit des livres de fiqh, les imams. C'est leurs élèves qui ont ramassé leurs opinions puis qui ont écrit les madahib. C'est pas eux-mêmes, hein? Donc il dit ensuite un autre exemple, une autre parole. Wa yaqulu fi ukhra wayhaka ya yaqub wa huwa abu yusuf. Son nom c'est Yaqub, un de ses grands élèves. Hein? Wayhaka ya yaqub wa huwa abu sufyan abu yusuf yani. La taktub kull ma tasma' minni. فإني أرى الرأي اليوم أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. Il dit malheur à toi ô Yaqub, c'est-à-dire son élève, son célèbre élève Abu Yusuf. Il dit n'écris pas tout ce que tu entends de moi. Il dit parce que aujourd'hui je vais avoir une opinion et je vais la laisser demain. Et je vais avoir une opinion demain et je vais la laisser après-demain. Donc, écris pas tout ce que je dis. Hein? C'est-à-dire que parfois, les imams, ils peuvent donner une opinion. Ce n'est pas nécessairement leur opinion définitive ou ce n'est pas la fin de leur compréhension. Après, ils peuvent apprendre et comprendre d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant et corriger leur position ou ajuster leur position. Un autre exemple des paroles des imams. إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je dis une parole qui contredit le livre d'Allah et la parole du messager صلى الله عليه وسلم, alors laissez ma parole. Laissez tomber ma parole. L'imam, il dit ça, Abu Hanifa. Il dit, si tu vois une parole que je dis, ça contredit qu'est-ce que Allah il dit dans le Coran ou le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors laissez ma parole. Et ici, ça amène à une question qu'on doit se poser. Parce que souvent, on entend les fanatiques des madahib qui nous posent cette question-là parfois. Ils disent, ouais, mais toi, ça veut dire que tu accuses les imams de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que toi tu es en train de dire que les imams contredisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse à ça, c'est très important de comprendre que lorsqu'on dit que les imams ont dit ça, c'est pas, premièrement, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est les imams eux-mêmes. Deuxièmement, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on dit qu'ils ont contredit le livre d'Allah ou la sunna du messager, ce n'est pas de façon intentionnelle. Ça veut dire qu'on dit qu'ils ont contredit le livre d'Allah et la sunna du messager, mais soit par erreur, hein, ou bien par oubli, ou bien par... sans que ce soit intentionnel. Jamais, jamais on va accuser l'intention et la sincérité des imams de Ahl-Sunnah. Jamais. Parce que les imams de Ahl-Sunnah sont les plus sincères parmi les hommes. Et c'est eux les plus véridiques envers Allah et envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, on ne va jamais remettre en question leur sincérité. Mais on dit qu'ils sont des êtres humains et par conséquent, ils peuvent se tromper. Et quand quelqu'un se trompe, on n'a pas le droit de le suivre dans son erreur. Celui qui suit la personne qui fait une erreur et qui sait que c'est une erreur et qui le suit malgré tout dans son erreur, alors il est dans l'égarement, ça c'est clair. Donc toutes ces citations-là, il y a des références, ceux qui veulent retourner à ces références-là ou savoir d'où ces citations-là ont été tirées, eh bien ils peuvent retourner au livre de Cheikh Al-Albani, Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils vont trouver les références de chacune de ces paroles. Maintenant, on passe aux paroles de l'imam. Les paroles de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. qui est né en 93, on a dit, qui est mort en 179. L'imam Malik ibn Anas. Il a dit, Amma Malik, le Cheikh dit, Amma l'imam Malik ibn Anas, fayakoul. Hein? Fakal, Innama ana basharun, ukhti wa usib, fanzuru fi ra'yi, fakullu ma wafaq al kitab wa sunna fakhuduhu, wa kullu ma lam yuwafiq, hein? Wa kullu ma lam yuwafiq, fatrukuhu. Donc, ça, c'est une des paroles de l'imam Malik à ce sujet-là. Il dit, rahimahullah, je ne suis qu'un être humain. Je peux avoir raison, hein, je peux me tromper comme je peux avoir raison. Alors, regardez dans mon opinion, hein, analysez mon opinion, regardez mon opinion, observez mon opinion. Et tout ce qui est en accord avec le livre d'Allah et la sunna, alors prenez-le. Et tout ce qui n'est pas en accord avec le Coran et la sunna, alors, laissez-le. D'accord ? Ça, c'est la parole de qui ? L'imam Malik, rahimahullah. Un autre exemple. Il dit, « Laysa ahadun » et en passant, c'est ça. C'est une des choses que j'ai remarquées. Yani, j'ai étudié dans plusieurs livres de fiqh, dans différents madahib. J'ai lu sur plusieurs sujets et plusieurs questions. Et il n'y a pas un madhab que j'ai lu, excepté que j'étais... yani, content et ébloui de lire des points et des arguments et des preuves que j'ai lues dans ces livres-là. Excepté qu'il n'y en a jamais eu un dans lequel j'ai lu dedans et que je n'ai pas trouvé un point dans lequel j'ai dit « Mais pourquoi il a cette opinion-là ? » Hein? Pourquoi il a cette opinion-là ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un madhab parmi les madhab qui est parfait. Il n'y a pas un madhab parmi les madhab que tu peux dire dedans que tout ce qui est dedans, c'est le haq à 100%. Non, ce n'est pas vrai. Dans chacun des madhab, que ce soit Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, il y aura une ou deux questions ou plus dans lesquelles l'imam ou les ulamas de ce madhab se sont trompés. D'accord ? Donc ça, c'est normal. Parce que ce sont des êtres humains. C'est pour ça que il n'est pas permis de suivre un madhab aveuglément et de façon fanatique. Hein? Sinon, ça amène à l'égarement. Et il dit une autre parole de l'imam Malik, rahimahullah, il dit « Laysa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Qu'est-ce qu'il dit ici, l'imam Malik, rahimahullah? Il dit, il n'y a personne après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'on peut prendre de sa parole ou la laisser. Excepté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne parmi les ulama, parmi les imams, parmi tous les hommes, hein, peu importe leur niveau de science. Après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, excepté qu'on peut prendre sa parole ou la laisser. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas prendre ou laisser sa parole. Tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on est obligé de le prendre. Tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on est obligé de le prendre et on n'a pas le droit de rien laisser. Hein? Tandis que les paroles des autres, il n'y a rien qui est comparable à ça. Il n'y a aucun d'entre eux, hein, qui est comparable. Il n'y a personne qui est infaillible. Il n'y a personne parmi les ulamas, les imams qui sont infaillible au point que tu peux dire ce que tu peux dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Un autre exemple, il dit « Qala ibn Wahb, sami'tu malikan su'ila an takhlili asabi'i rijlain fil wudu. Faqala laysa dhalika 'ala an-nas. Qala fataraktuhu hatta khaffa an-nas. » Yani fataraktuhu, yani taraktu l'imam Malik حتى خف الناس يعني تركته يعني لم أكلمه حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة يعني يقول أنا أعرف سنة في هذه المسألة يعني ذهب إليه وتكلم معه ليس أمام الناس يعني ولكن على الخاص لا يريد أن يحرج الإمام أمام الناس ليس هذه الطريقة محترمة فقال الإمام مالك يعني ذهب إليه وقال عندنا في ذلك سنة يعني بأدب واحترام فقال ما هي قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. Donc ici c'est une anecdote qui est rapportée par un des élèves de l'imam Malik, Ibn Wahb. Il dit, j'ai entendu l'imam Malik qui a été questionné au sujet de passer de l'eau avec le doigt entre les orteils, entre les orteils pendant le wudu. Est-ce qu'on doit passer le doigt entre les orteils quand on fait le wudu? L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, les gens n'ont pas besoin de faire ça. Alors, il dit, dans ce cas-là, je l'ai laissé jusqu'à ce qu'il y ait moins de monde, jusqu'à ce que les gens s'en aillent. Il ne veut pas parler devant les gens à l'imam Malik puis lui dire, ah, mais nous, on a une preuve à ce sujet-là. Peut-être qu'il va dire ça devant les gens, il va embarrasser l'imam Malik, ou il va le gêner devant les gens. Et ça, c'est un signe de mauvaise manière. Quelqu'un qui est mal éduqué, qui n'a pas d'adab, qui n'a pas de respect, qu'il parle devant l'imam, alors que lui, il est un élève, et qu'il parle devant l'imam qui est un grand alim, et qu'il lui dit, ah, moi, je connais une preuve là-dessus. Déjà, ça, c'est un manque de respect envers l'imam, et ce n'est pas la bonne manière de faire. Alors, comment il l'a fait? Il a attendu que les gens s'en aillent. Quand il y avait moins de monde, il est allé vers lui. Et il lui a dit, nous avons une preuve dans la sunna à ce sujet-là. Et l'imam Malik a dit, laquelle? Quelle est-elle? Alors, il lui a dit, il lui a donné l'isnad. Il n'a pas dit, j'ai entendu le prophète, non, parce qu'il n'est pas un sahabi. Il faut qu'il mentionne l'isnad, la chaîne de transmission. Donc, il a dit, حدثنا الليث بن سعد, un des grands imams qui était vivant à l'époque de Malik. Rahimallah, l'imam al-Layth ibn Sa'd, c'est l'équivalent de Malik à l'époque, mais en Égypte. C'était l'imam de l'Égypte à l'époque de l'imam Malik. Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah. Même qu'on dit que l'imam al-Shafi'i, quand il a fini d'étudier avec l'imam Malik, il est parti en Égypte pour aller justement étudier avec al-Layth ibn Sa'd. Et il dit, quand je suis arrivé en Égypte, il était déjà mort, rahimahullah. Alors, il a dit, j'ai étudié avec ses plus grands élèves. Il a étudié, il a pris sa science, c'est-à-dire la science de l'imam Sa'd, Layth ibn Sa'd, il a pris la science de ses grands élèves. Donc, qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, « Kana afqah min Malik. »« Kana Layth ibn Sa'd afqah min Malik. » Il était plus fort dans le fiqh que l'imam Malik. Mais pourquoi dans ce cas-là, on n'a pas aujourd'hui al-madhab al-layfi? Et pourquoi on ne dit pas, moi je suis layfi al-madhab? Parce que ses élèves, ils n'ont pas préservé son madhab, comme les élèves de Malik ont préservé le madhab de Malik. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'entend pas parler de ce madhab-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Là, il a mentionné la chaîne au complet et à la fin, il a dit... Donc, il dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui frottait avec son petit doigt, le khunsur, c'est le petit doigt, entre ses orteils. En arabe, orteil, on dit asabi'ur-rijl. Asabi'ur-rijlain. Asabi', ça veut dire les doigts de pied, en fait. C'est comme si on disait les doigts de pied. Parce que les asabi', pour la main, c'est la même chose. Asabi', on dit asabi'. En français, on dit les orteils. En arabe, on dit asabi', les doigts, yani des pieds. Donc, il frottait entre les orteils, avec son orteil quand il faisait le wudu. Et l'imam Malik a dit, ça c'est un hadith hassan, hein, c'est un bon hadith. Il dit, je ne l'avais jamais entendu avant maintenant. Je ne l'avais jamais entendu avant ce moment. Puis, il l'a entendu, il dit, je l'ai entendu plus tard, quand il a été questionné sur ce sujet, et il ordonnait de passer le doigt entre les orteils par la suite, quand d'autres personnes lui ont posé la question sur le sujet. Donc ça, c'est un exemple comment l'imam Malik lui-même, il a appris des choses à un moment où il ne le savait pas et il a changé son madhhab en accord avec la sunna. C'est comme ça qu'ils étaient les imams. Yani, la question, c'était est-ce qu'il yani, faut le faire pendant le ghusl aussi, frotter entre les orteils avec le doigt. Eh bien, ça, c'est en fait quelque chose qui est c'est recommandé de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Et même frotter le pied quand tu fais ton wudu, frotter le pied avec la main pour étendre l'eau sur ton pied, ça c'est recommandé seulement. L'important c'est juste que l'eau touche toutes les mouille tout le pied au complet. Mais si tu frottes avec ta main, c'est mieux. Mais c'est pas obligatoire. Ad-dalk, c'est ça. Ad-dalk est mustahab, c'est pas obligatoire. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, lui, il a beaucoup de citations à ce sujet-là. Il a beaucoup de citations à ce sujet et peut-être même que c'est un des imams qui a eu le plus de citations même à ce sujet-là. Subhanallah. Et malgré tout, tu vois que des gens qui sont plus fanatiques parfois pour le madhahib après les Hanafiyyah, c'est les Shafi'iyah. Donc le cheikh dit wa amma Shafi'i rahimahullah fannuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab wa atba'uhu akthar amalan biha wa as'ad fa minha. Donc il donne des exemples, il dit l'imam Shafi'i, donc le cheikh wasiullah hafidhahullah, il dit l'imam Shafi'i rahimahullah, ses citations sont plus nombreuses et meilleures encore, et il dit c'est ceux qui le suivent sont yani, ils l'appliquent encore plus et sont plus heureux encore s'ils l'appliquent, bien entendu. Et il donne des exemples, et la première parole de l'imam Shafi'i qui est mentionnée ici, donc l'imam Shafi'i, il dit dans la première citation qui est mentionnée, ma min ahadin illa wa tadhhab alayhi sunnah. Alhamdulillah, yahdikum Allah yuslih balakum. Ma min ahadin illa وتذهب عليه سنة رسول سنة إلا تذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ها يعني أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i ici? Il dit il y a personne, excepté que il y a des choses qui va lui échapper de la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et qui vont lui manquer ou qui va oublier. Donc il dit, peu importe ce que je dis comme parole ou que j'établis comme principe ou comme fondement, hein, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce qui vient en contradiction avec ce que j'ai dit moi-même, alors la parole qu'on doit suivre, c'est la parole du messager d'Allah. Et c'est ma parole aussi. C'est-à-dire, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, c'est ça ma position. C'est ça que je dis. Deuxième citation. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Ça c'est une des plus belles paroles de l'imam Shafi'i. Elle signifie cette parole que les musulmans sont tous d'accord sur le fait que quiconque pour qui une sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été clarifiée, il n'est pas permis pour lui de la laisser pour la parole de quiconque. Tu n'as pas le droit d'abandonner cette parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour la parole de quiconque autre. Hein? Donc ça, c'est très, très important. Une autre parole, une autre citation de l'imam al-Shafi'i. « Iza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, faqulu bi sunnati rasulillah, wa da'u ma qult, wa fi riwaya, fattabi'uha, wa la taltafitu ila qawli ahadin. » Subhanallah. Il dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, « Si vous trouvez dans mon livre quelque chose qui contredit la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors dites selon la sunna du messager d'Allah et laissez ce que j'ai dit. » Et il dit dans une autre parole, « Alors suivez cette parole du messager et ne vous tournez pas vers la parole de quiconque autre. » Ça, c'est une autre parole de l'imam al-Shafi'i. Et la quatrième citation de l'imam al-Shafi'i, la parole que la plupart des imams ont dit, « Iza sahha al-hadith, fahuwa madhhabi. » Ça, c'est une parole qui est récurrente. Elle revient tout le temps chez les imams. « Iza sahha al-hadith, fahuwa madhhabi. » Une autre parole de l'imam, ça, c'est incroyable, cette parole-là. Hein? Il y en a plusieurs autres paroles. Je pense même qu'il y en a des paroles que le cheikh il n'a même pas cité, mais il y en a d'autres que j'ai entendues de l'imam al-Shafi'i qui sont incroyables comme ça. Incroyables dans le sens que c'est merveilleux, Yann. Hein? Très belle. Il dit, le cheikh, dans la cinquième, il cite la cinquième citation. Antum, il dit, Al-Khitabu l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ici, l'imam al-Shafi'i, il s'adresse à l'imam Ahmad. Il parlait avec lui. Il dit, Antum a'lamu bil hadith wa rijal minni. Fa idha kana al hadith sahih fa a'limuni bihi. Ay shay yakun kufiyan aw basariyan aw basriyan aw shamiyan hatta adhhaba ilayhi idha kana sahihan. Donc ça, c'est l'imam al-Shafi'i qui s'adresse à l'imam Ahmad rahimahullah, parce qu'il était son élève et il était son cheikh en même temps. Ils ont été le cheikh les uns des autres et l'élève les uns des autres. Rahimahumullah. Et donc, il dit à l'imam Ahmad, vous avez plus de science du hadith et de la connaissance des narrateurs que moi. Alors, si le hadith est authentique, faites-moi le savoir. Hein, faites-le-moi savoir, peu importe que ce soit rapporté par un koufi, ou quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la ville de Koufa en Irak, ou Basri, c'est-à-dire qui vient de la ville de Basra en Irak aussi, ou Shamiyan, ou bien qui vient de la Syrie, hein, pour que je puisse prendre ce hadith-là lorsqu'il est sahih. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il veut juste connaître le hadith authentique, et c'est ça sa position. Et s'il entend le hadith et qu'il est authentique, ça va être ça son madhab. Il dit dans une autre narration, كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. Il dit l'imam al-Shafi'i, toute question dans laquelle il y a une information, une parole authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chez les rapporteurs du hadith, qui est en contradiction avec ce que j'ai dit, alors je reviens de cette position pendant ma vie et après ma mort. Hein? Subhanallah. Donc ça c'est fort, ça veut dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui vient là, il te dit, ah mais ça c'est le madhhab al-Shafi'i, regarde il faut suivre ça. Et toi tu lui dis, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est l'opinion, tu lui dis, toi tu suis ça, l'imam al-Shafi'i il a dit, si tu trouves le hadith, laisse ma parole, suis le hadith. Donc tu ne suis pas l'imam al-Shafi'i. Parce que si tu suis l'imam al-Shafi'i, tu vas laisser sa parole et tu vas suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une autre, la sixième citation. إِذَا رَأَيْتُمُونِي أَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ فَعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبْ. Hein? Donc il dit, si vous voyez Hein, si vous me voyez que je dis une parole, alors qu'une parole contraire a été rapportée de façon authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que ma raison, elle est partie. J'ai perdu la raison. Hein? Et comme je disais tout à l'heure, je répète encore une fois, les imams d'Ahl Sunna, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne vont pas contredire volontairement et intentionnellement la Sunna du messager. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. Ça veut dire, s'il le fait, c'est par erreur. Hein? Ou c'est par ignorance, ou par oubli, ou par... Hein? Parce qu'il s'est trompé. Jamais volontairement. Hein? Celui qui pense ça, il est fou. Il est fou de penser ça à propos des imams. Vous pensez vraiment que l'imam, il va connaître le hadith authentique et il va le laisser pour se faire sa propre opinion et contredire le hadith? Jamais de la vie. C'est impossible. Et le cheikh, il dit, parce que des fois, les gens, ils disent, « Oui, mais les imams, ils connaissent mieux que toi. »« Oui, les imams connaissent mieux que moi. Hein? » Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, connaît mieux que l'imam, et mieux que moi, et mieux que toi, et mieux que tout le monde, parce que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, des fois, les gens, ils te rappellent ça. Tu penses, toi, que tu connais mieux que l'imam Malik? Tu penses, toi, que tu connais mieux que l'imam Shafi'i? Hein? Non, je ne pense pas que je connais mieux que l'imam Malik, ni que l'imam Shafi'i, ils connaissent mieux que moi. Mais ils ne connaissent pas mieux que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ça, c'est important. Après, le cheikh, il dit, « Kullu ma qult » L'imam al-Shafi, il dit, « Kullu ma qult » Fa kana ani nabi sallallahu alayhi wa sallam khilafa qawli mimma yasihu fa hadithu nabi sallallahu alayhi wa sallam awla fala tuqalliduni. Il dit, « Toute parole que je dis et qu'il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en contradiction avec ma parole de qu'est-ce qui est authentique, alors, dans ce cas-là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite plus d'être suivi. Ne me suivez pas aveuglément. Ne faites pas mon taqlid. » Et la huitième citation, c'est la dernière. Il dit, « Kullu hadithin anil nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa qawli, wa illam tasma'uhu minni. » Il dit, « Tout hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma parole. Même si vous ne l'avez pas entendu de moi. Même si vous n'avez pas entendu cette parole-là de ma part, hein, venant de moi. » C'est ma parole quand même, c'est ma position quand même. Donc toutes ces citations-là sont des paroles de cet imam. Et un autre exemple que j'ai entendu aussi, il dit, quelqu'un avait rapporté, ou bien l'imam al-Shafi'i avait rapporté un hadith à propos, à propos d'un sujet, une question quelconque, et la personne a posé la personne a posé à l'imam al-Shafi'i la question, « Oh, ya imam, est-ce que toi, tu as cette position-là » C'est-à-dire, il entend le hadith que l'imam al-Shafi'i a mentionné. Alors, il demande à l'imam al-Shafi'i, « Ya imam, est-ce que c'est ça ta position ?» Et il lui a répondu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, « Est-ce que tu m'as vu que je sors d'une église ? Je vais dire le hadith et je vais faire le contraire. » Hein? Non. Donc, ça, c'est un exemple. Parce qu'il sait que les prêtres, hein, ils lisent le livre et ils font le contraire de ce qui est écrit. Donc dans l'islam, les imams, non. Qu'est-ce qui est écrit, c'est ça qu'ils suivent. Hein? Alhamdulillah. Ensuite, les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est né en l'an 164 et qui est mort en l'an 241. Il dit, rahimahullah, « Wa amma l'imam Ahmad fa huwa aktharu l'a'imma jam'an l'sunna wa tamassukan biha » حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ولذلك قال لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ وخذ من حيث أخذوا. Donc le cheikh l'imam Ahmad il dit, hein, parce que le cheikh cheikh Rasulullah, il dit, l'imam Ahmad, c'est un des imams qui a le plus rassemblé de la sunna et qui s'est le plus accroché à cette sunna. Hein? Et même qu'à un tel point qu'il détestait même qu'on rassemble des livres ou qu'on écrive des livres dans lesquels il y aurait des opinions, hein, ou des jugements des gens de leur propre. Donc, il dit, parmi les paroles de l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, ne faites pas mon taqlid, et ne faites pas non plus le taqlid de Malik, ni de Shafi'i, ni de Al-Awza'i, ni de l'imam Al-Thawri. Mais prenez de là où ils ont pris eux-mêmes. وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا. Donc, ne faites pas mon taqlid. Ne me suivez pas aveuglément sans connaître ma preuve. Ne suivez pas non plus l'imam Malik sans connaître sa preuve. Ni l'imam Al-Shafi'i sans connaître sa preuve. Ni l'imam Al-Awza'i sans connaître sa preuve. Ni l'imam Al-Thawri sans connaître sa preuve. Tous ces grands imams sont tous des imams mujtahidin. Mais prenez de là où ils ont pris eux-mêmes. Hein? Et il dit, وَفِي رِوَايَ لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدَ الرَّجُلِ فِي يعني ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدَ الرَّجُلُ فِيهِ مُخَيَّر وَقَالَ مَرَّةً الْأَتْبَاعُ الْإِتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ ثم هو بعد التابعين مخير. نعم. Donc il dit ici dans cette narration, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il dit ne suivez pas, hein, ne faites pas le taqlid d'aucun de ceux-là dans votre religion ou dans ta religion, ne suis pas aucun d'entre ceux-là dans ta religion de façon aveugle sans connaître leurs preuves. Il dit ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est venu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le. Puis ensuite, en ce qui concerne les tabi'in, ceux qui viennent, les élèves des sahaba, alors dans ce cas-là, on a le choix. Qu'est-ce que ça veut dire, on a le choix? Ça veut dire que les paroles des tabi'in qui ont divergé entre eux, hein, eh bien, tu as le choix, yani, entre leurs positions, parce qu'il n'y a pas une de leur ijtihad qui a plus de valeur que l'ijtihad de l'autre. L'ijtihad d'un alim n'a pas plus de valeur que l'ijtihad d'un autre alim. Al-imratu bid-dalil. L'important, c'est la preuve. Hein? C'est ça qui détermine qu'est-ce qui est correct à suivre ou non. Et dans une autre parole, il a dit que de suivre, c'est de suivre, c'est le fait d'être en train de suivre l'islam, la vérité. Et la sunna, c'est que la personne, elle suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, après les tabi'in, il a le choix. Hein? Il a le choix entre les divergences d'opinion dans leur ijtihad. Et il mentionne dans l'autre citation, une autre citation qu'il a mentionnée, il dit « Ra'yu l'Awza'i » ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار وإنما الحجة في الآثار. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmed? Il dit l'opinion de l'Auza'i. L'Auza'i c'était un grand imam parmi les imams à l'époque de Malik ibn Anas, et c'était l'imam du Sham, imam al-Sham. C'est lui qui était l'imam en Syrie, dans la région de Palestine, Syrie, Liban, toute cette région-là, hein, Damas. À l'époque, hein, à l'époque de l'imam Malik, c'était lui l'imam, l'imam Al-Awza'i. Donc il dit, l'imam Ahmed, il dit, l'opinion de Al-Awza'i, l'opinion de Malik, l'opinion de Abu Hanifa, tout ça c'est des opinions. C'est une opinion, ça reste une opinion seulement. Ce n'est pas un dalil, ce n'est pas une preuve. Il dit, et c'est pour moi égal. C'est-à-dire cette opinion, toutes ces opinions des ulama pour moi, il dit, c'est égal. Innama al-hujjatu fil athar. Il dit, la preuve, l'argument, elle est seulement dans al-athar, c'est-à-dire dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il dit... également une autre citation, man radda hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halaka. فَهُوَ عَلَى شَفَى هَلَكَ. Donc, il dit, quiconque a rejeté le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sur le bord de la perdition. Il est sur le bord de la perdition. Donc, tout ça, c'est des paroles des imams, parmi les imams, qui indiquent l'importance de s'accrocher à la sunna et de ne pas suivre aveuglément, sans connaître la preuve, un imam quelconque parmi les imams de la religion. Même si ce sont des imams, on doit ramener les paroles qu'ils ont et les ramener à la preuve. Et il dit ensuite, فَهَذِهِ الْأَقْوَالِ عبرة للذين يتعصبون لأقوال الأئمة حتى لو خالفت من غير عمد أو حتى لو خالفت من غير عمد منهم النصوص الصحيحة. Donc il dit ça, c'est des paroles qui sont des leçons, des leçons sur lesquelles doivent méditer ceux qui s'accrochent fanatiquement aux paroles des imams, même si elles ont contredit, non intentionnellement, de leur part, les textes authentiques de la sunna. Donc ça, c'est, disons, un élément très important. Et de connaître ces narrations-là et ces citations-là, c'est extrêmement important pour bien comprendre ce sujet du taqlid. Naam. Le point que je voulais mentionner, c'est le point suivant. Et ça, c'est quelque chose que parfois beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que on sait qu'il y a des ulama qui ont suivi différents madhahib, que ce soit le madhhab Hanafi, Maliki, Shafi'i ou Hanbali. Il n'y a pas de mal à ça. Mais aujourd'hui, à notre époque, beaucoup de gens, ils considèrent que, par exemple, le madhhab dans une certaine région, c'est le madhhab d'un tel parmi les imams. Donc, par exemple, les gens du Maghreb, on sait que le madhhab qui est le plus répandu là-bas, c'est le madhhab al-Maliki. Donc, tu vois que les gens, par exemple, des gens qui n'ont jamais étudié le fiqh, qui n'ont jamais étudié rien de la religion, et tu leur demandes, pourquoi tu fais ça? Ils disent, moi je suis Maliki. Eh bien, la réalité à ce sujet-là, c'est que les ulama, ils ne considèrent pas ou ils n'acceptent pas que quelqu'un se prétende appartenir à un madhhab, excepté s'ils ont étudié les positions de l'imam et qu'ils connaissent les preuves de l'imam sur cette position-là. Tandis que la personne qui ne connaît ni le madhhab, ni la position de l'imam, ni les preuves de l'imam sur le sujet, il ne peut pas se dire Maliki. S'il ne connaît pas les positions de l'imam Malik, et il ne connaît pas les preuves de l'imam Malik, et il ne connaît pas les fondements sur lesquels il a basé ses ijtihadat. La plupart des musulmans, c'est ça, il n'y en a aucun d'entre eux, la plupart des musulmans du commun ne connaissent pas ça. Donc, ils se disent Maliki, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment Maliki. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, ils disent, des gens qui viennent des pays, par exemple, de l'Inde, du Pakistan ou de la Turquie, ils disent, nous, on est Hanafi. Mais la réalité, ils ne connaissent même pas les positions de l'imam Abu Hanifa. Ils ne connaissent pas non plus les preuves et les fondements de l'imam Abu Hanifa. Rahimahullah. La même chose pour l'imam Shafi'i, pour l'imam Ahmad. Beaucoup de gens parmi les Awam, ils disent, je suis Shafi'i ou je suis tel ou tel madhab. La réalité, ils ne sont pas de ce madhab-là. Pour que tu puisses dire que tu es du madhab de l'imam, il faut que tu connaisses ses preuves, il faut que tu connaisses ses fondements, il faut que tu connaisses ses positions. Donc ça, c'est juste un petit détail que je voulais poser ou que je voulais rajouter pour clarifier cette question-là, parce que c'est extrêmement important. Et ça, c'est l'imam Ibn al-Qayyim qui l'a mentionné dans son livre « I'lam al-Muwaqqi'in ». Et de toute façon, plus loin dans le livre, on va mentionner ces détails-là, Inch'Allah. D'accord? Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.